Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Voilà, aujourd'hui je voudrais vous entretenir d'un fait qui est passé quasiment inaperçu, mais qui a été rapporté par le journal Libération dans un article de Dominique Albertini et Sylvain Mouillard. Parce qu'on parle beaucoup, bien sûr, des retraites. Y avait-il une urgence à instituer ce système universel ? Universel ne veut pas dire juste, loin s'en faut, puisqu'on a l'impression quand même que ce nouveau système de retraite va niveler vers le bas les pensions de retraite, avec un mécontentement certain de régimes qui aujourd'hui sont plus favorables que ce régime universel. Donc ils vont voir régresser leur pension. Oui, y avait-il urgence alors que la structuration des retraites pouvait très bien se faire de manière beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus sensée, dans un dispositif qui aurait fait appel aux partenaires sociaux et puis aux différents partenaires, bien sûr, des caisses de retraite autonomes, régimes spéciaux, etc. Là, on a véritablement voulu forcer, mettre en avant une réforme qui a mécontenté beaucoup de monde et qui continuera à en mécontenter pendant des décennies, surtout les jeunes, les futurs retraités, puisque là, il y a véritablement régression. Il y aura véritablement régression du montant de retraite, sauf pour les pensions les plus petites et en cours. Et donc cet article-là fait état de la Légion d'honneur qui a été donnée au PDG de GDF Suède en mai 2009 à Paris. Une polémique infondée, attaquée par sa promotion au grade d'officier de la Légion d'honneur, Jean-François Cirelli, président de BlackRock France, ancien de l'Élysée, époque Chirac, puis de Matignon sous Raffarin, a regretté jeudi d'être pris à partie par une polémique, selon lui, animée par des objectifs politiques. L'entreprise, dont le nom est devenu un épouvantail dans les manifestations contre le projet de réforme des retraites, car elle est accusée d'ouvrir la voie à la capitalisation, a quant à elle publié un communiqué en fin de journée. BlackRock n'est pas un fonds de pension, mais un gestionnaire d'actifs. Entre parenthèses, il faut qu'on nous dise ce que c'est qu'un gestionnaire d'actifs. BlackRock ne commercialise pas d'épargne retraite, ce sont des professionnels de l'épargne et de la retraite qui proposent des solutions de placement. Fin de citation. Alors, ça fait un petit peu rigoler, quoi, parce que si ce n'est pas des fonds de pension, qu'est-ce que c'est d'autre ? C'est à ces acteurs que revient le choix des produits à intégrer dans le plan d'épargne retraite. Fin de citation. Peut-on lire « favorable au développement de la retraite par capitalisation » ? Le groupe est accusé par ses détracteurs d'avoir démarché l'exécutif dans le cadre du projet de réforme des retraites. Réponse de l'intéressé, en aucune manière BlackRock n'a cherché à exercer une influence sur la réforme du système par répartition qui restera le socle de la retraite en France. On peut bien le croire, mais ce socle pourrait être rongé justement par des retraites par capitalisation. Sauf qu'en plafonnant sévèrement les revenus pris en compte dans le calcul des pensions, le projet du gouvernement encouragera les plus aisés à recourir à l'épargne retraite. C'est le cas des cadres, en particulier des cadres supérieurs. Il y aurait 4,8 milliards qui partiraient certainement vers de l'épargne capitalisation. Alors plusieurs semaines, ses opposants y voyant le résultat du lobbying de l'industrie financière. Bah oui, on ne peut pas supposer autrement. On savait que la décision ferait l'objet d'attaques populistes, mais on ne va pas céder, assurait Matignon en Libération. On a bien vu le lien entre Cirelli et la finance internationale. On n'est pas stupide, poursuit-on, mais on n'a pas vu le lien avec la réforme des retraites, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. La gauche n'est pas de cet avis. La remise de la Légion d'honneur à Jean-François Cirelli est une provocation, a jugé sur Twitter le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel. Elle relève les liens étroits qui existent entre Macron et le monde de la finance. Fin de citation. Pour Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, BlackRock, c'est tout simplement le côté obscur de la réforme des retraites. À droite, le président Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, a appelé à nettoyer la Légion d'honneur des mercenaires qui la salissent. Une polémique jugée pas correcte par le secrétaire d'État, Agnès Pannier-Runacher. Jean-François Cirelli sert la cause de la France en disant que la France est un pays où il fait bon investir, où on peut créer des activités, a-t-elle défendu sur BFM TV, minimisant l'attrait pour un géant comme BlackRock d'une boîte de smarties comme le marché français. Alors, finalement, ce marché-là, c'est avec une boîte de smarties. Ça fait un petit peu rigoler quand même la façon dont on voit, dont elle voit les choses. Question, d'autres financiers ont-ils été décorés? Dans la liste des décorés au 1er janvier, Jean-François Cirelli n'est pas le seul représentant de la finance. Deviennent chevaliers Antoine Flammarion, cofondateur de Tikebo Capital, ou Jean-François David Chamboredon, patron du fonds d'investissement Isaïe, créé entre autres par Godefroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF. Le monde de l'assurance, lui, est récompensé en la personne de Karima Sylvain, DRH d'AXA Assurance. On voit bien aussi les enjeux par rapport à la sécurité sociale, parce que AXA veut quand même manger tout ou partie de la sécurité sociale. Dont le grand patron d'AXA Assurance, Bullerl, figurait dans la promotion de la Légion d'honneur du 14 juillet dernier. Voilà de quoi quand même s'interroger. Hein. Bien sûr, les grands médias en font peu d'écho de ces légions d'honneur qui ont été attribuées comme ça, toujours à des financiers, à des promoteurs de compagnies d'assurance, de capitalisation, de fonds de capitalisation, de fonds de pension. Quoi. Hein, mais je crois qu'il y a de quoi s'inquiéter, parce que c'est vrai que la réforme des retraites, encore une fois, en nivelant vers le bas, va tenter quand même pas mal de gens qui ont les moyens de se payer une retraite par capitalisation, au détriment bien sûr de la répartition. La répartition intergénérationnelle, avec la solidarité intergénérationnelle. Puis je terminerai cette chronique par un appel de Vosges pour la paix. Non à de nouvelles guerres, ni au Moyen-Orient, ni ailleurs. L'assassinat du général Soleimani, un des plus hauts responsables de l'État iranien, qui plus est sur le territoire d'un pays tiers, ne peut être considéré que comme un acte de guerre, quels que soient les arguments avancés par les USA sur les crimes commis par ce général, ou l'attaque subie le 28 décembre par un camp militaire des États-Unis, près de Kirkuk, en Irak, ou la volonté politique états-unienne de répondre à l'attaque récente de leur ambassadeur à Bagdad. Les conséquences d'un tel acte illégal, au regard du droit international, peuvent être catastrophiques pour l'Irak, l'Iran, l'ensemble du Moyen-Orient et le monde entier. D'autant que la détérioration récente de la situation en Libye, avec l'intrusion des forces militaires étrangères, turques et de groupes de mercenaires dans ce pays, augmente les risques d'embrasement généralisé et de nouvelles guerres dévastatrices qui, plus est, favoriseraient la réémergence de Daesh. Alors, les premières victimes, bien sûr, dit Vosges pour la paix, seront les peuples d'Irak, d'Iran, du Moyen-Orient, etc., qui depuis plusieurs mois, tant au Liban qu'en Irak, en Iran, et en résonance avec d'autres peuples, malgré la répression, luttent pour un avenir meilleur et font entendre leur aspiration à vivre en paix, en fraternité, en liberté, y compris en remettant en cause les sectarismes religieux et confessionnels. Notre devoir moral est non seulement de dénoncer cet acte pour ce qu'il est, mais aussi de prévenir toute escalade de violence, comme cela semble être engagé avec le lancement de missiles iraniens sur des bases militaires étrangères en Irak, avec les menaces d'attaque contre l'Iran proférées par Trump. Il est tout aussi important de rappeler les responsabilités des USA et de l'OTAN dans la situation que connaissent ces régions, en raison en particulier de l'agression impérialiste des USA contre l'Irak en 2003. Mais aussi la responsabilité de la France en ce qui concerne la Libye depuis 2011. Oui, Libye qui est aujourd'hui quand même en pleine guerre. Nous devons aussi agir pour tout ce qui est possible, pour que tout ce qui est possible soit fait pour préserver l'accord sur le nucléaire iranien. D'autant que Trump, dans sa conférence de presse du mercredi 8 janvier 2020, exige que les Européens quittent l'accord sur le nucléaire de 2015 et a demandé à l'OTAN de s'impliquer beaucoup plus au Moyen-Orient. Le mouvement de la paix sait par expérience que la guerre n'est pas une réponse et ne le sera jamais. Exigeant que notre gouvernement, dit le mouvement pour la paix, agisse pour que les Nations Unies, seules habilitées à régler ces questions, prennent des décisions allant dans le sens d'une désescalade et de solutions politiques. Celles-ci doivent prendre en compte en priorité les intérêts et la parole des peuples concernés, dans le respect de leur diversité interne, de leur souveraineté et de l'intégralité territoriale des États. L'urgence est à la mobilisation au-delà des frontières géographiques, politiques et sociales pour éviter une extension de la guerre et pour construire un avenir de paix. Voilà, donc c'était une déclaration que j'ai voulu quand même vous lire et puis commenter de Vosges pour la paix, qui devrait peut-être être notre invité pour l'émission La parole est à vous avant la fin de ce mois, je pense. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Je vous laisse méditer sur la situation actuelle et je vous donne rendez-vous jeudi prochain si tout va bien.